chagrin est en moi. Je sais pas pourquoi, mais moi j'entends ta voix. Quand je ne sais plus si l'amour a d'autre loi que le temps, c'est les rats qui m'éloignent de tes bras. J'entends ta voix. Ta voix. J'entends ta voix. Sa mère le chercher à te plaire. Le monde rigole, croit que j'entends des voix, puisqu'ils ne savent pas que moi j'entends ta voix. J'entends ta voix.